hade go. I'm a go be mogu for the shoe. Shuba shuba then I had a do. Munu mako ama fuma shoe. Jera puye kanu de wari ye kanu de hasala. Diye be mine de rubu be mine de hasala. Yepa, salut à toi, salut à vous, bienvenue dans le retour de la guinguette, comme tous les mardis, ensemble pour une petite heure, mais aujourd'hui exceptionnellement deux heures. Voilà, pour ceux qui écoutent le 895 de Radio Dio en ce moment, c'est la Stéphanoise autour de Furiana, voilà, 40 ans de rock'n'roll et pas que, parce que sur Saint-Etienne, il y a eu plein de groupes. Ce soir, on va avoir pas mal d'invités, on va faire un apéro invité autour de Saint-Etienne. Voilà, les précurseurs arrivent, venez dire bonjour, allez, venez dire bonjour en live, là, ils sont à côté de moi, j'ai pas branché les micros, ils vont venir à mon micro. Salut à toi Moussa, ça va bien ? Salut à tout le monde. Tranquille. Bonjour Jean-Luc, salut. C'est rare que je vais arriver comme ça, d'habitude vous êtes de l'autre côté. Bah tiens, salut Jean-Luc, tu peux dire bonjour à la radio. Salut, bonjour. Bonjour la radio. Allez, du temps, nous on va se mettre en place, mettre les micros en place, qui sont déjà faits, mais le temps de se boire une petite binouze. Je vais vous mettre un petit scud vite fait à l'ancienne, et ben on va se faire un petit nomade, on va aller du côté de Saint-Chamond, quand je serai môme. À 4 ans, à quoi ressemble un dictateur? Lui pique ses crayons pour faire chier sa sœur. Embrasse sa mère en crachant dans son 4 heures. Grève de colère, germe si l'on m'en a la douceur. Moi quand je serai mort, il y aura des clodos, pète-les. Moi quand je serai mort, alors les temps string à l'assemblée. Moi quand je serai mort, on fera du tout avec du rien. Moi quand je serai mort, on fera du tout avec du bien. Semble un dictateur. Moustache coupée, mèche collée au beurre. Il lève le bras pour montrer sa rigueur. Viole un petit peu quand il est de bonne humeur. Moi quand je serai mort, Jean-Marie sera frangin du terre. Moi quand je serai mort, on aura fermé l'enfer. Moi quand je serai mort, Jean-Marie ne sera plus pucelle. Moi quand je serai mort, elle sortira avec jamais. des bleus, des verts, enfin, comme l'arc-en-ciel, quoi. Mais c'est quand je serai grand, hein? Hein? Dis, c'est quand je serai grand? Vous êtes toujours branchés, 895 Radio Duo, le retour de la guinguette. On va se mettre en place, comme je vous ai dit, mais on va prendre le temps. On n'a pas fini la binouze, alors on se dit à toutes. On va écouter un autre petit Rachid. Voilà, vous savez qu'il y a une petite compile qui est sortie. Everybody. pensons à vous dans la mine, où la mort nous poursuit de près, et notre âme est toute chagrine, que vous n'y descendiez jamais. Pourquoi donc, vierge que l'on fête, vous qui nous promettez vos soins, quand le danger court sur nos têtes, Sainte Barbe, êtes-vous si loin? Il ne vous plaît point de paraître là-bas dans nos rues de chantier, car vous y meurtririez peut-être vos ailes et vos petits pieds. Et serait-il vrai que vous dites, lorsque vers vous montent nos cris, que c'est l'enfer qui vous invite à déserter le paradis? Mais la poudre joyeuse automne, réveillez-vous, venez, venez, sainte patronne, rire avec nous. Mais la poudre joyeuse automne, réveillez-vous, venez, venez, sainte patronne, rire avec nous. À notre table, prenez place, vous serez en sécurité. Rien n'assombrira votre grâce, le grisou n'est pas invité. Ce sera sans cérémonie, venez un usage charmant, veut qu'avec vous l'on communie. À tout le moins une fois l'an, nous pensons à vous dans la mine, où la mort nous poursuit de près, et notre âme est toute chagrine, que vous n'y descendiez jamais. Pourquoi donc, vierge que l'on fête, vous qui nous promettez vos soins, quand le danger court sur nos têtes, sainte Barbe, êtes-vous si loin? Mais la poudre joyeuse automne, réveillez-vous, venez, venez, sainte patronne, rire avec nous. Mais la poudre joyeuse automne, réveillez-vous, venez, venez, sainte patronne, rire avec nous. Mais la poudre joyeuse automne, réveillez-vous, venez, venez, sainte patronne, rire avec nous. Mais la poudre joyeuse automne, réveillez-vous, venez, venez, sainte patronne, rire avec nous. Et oui, vous êtes toujours branchés, 895 Radio Duo, le retour de la guinguette. Et voilà, les gens sont mis en place, ça y est. Vous êtes tous en place, là? Bon, ça va pas mal. Ça a l'air d'être pas mal, quand même. Alors, tapez pas dans les micros, mettez pas des coups de boule, et ça va bien se passer. Allez, on va faire un petit tour de table, alors on va déjà présenter. Allez, on va aller du plus ancien au plus jeune, tiens. Ça, j'aime bien. Donc, pour une fois, c'est pas toi, Moussa. Non. Allez, Jean-Luc, comment ça va bien? Ça va. Content de revenir ici, comme d'habitude. Voilà, alors toi, aujourd'hui, là, on vient d'entendre un petit scud là, à l'instant, c'était sur les mines, sur la Sainte-Barbe, qui est très bientôt, d'ailleurs, voilà, c'est pour ça que je parlais du Grémous, ouais. Voilà, qui fait pas mal de choses sur la mémoire ouvrière stéphanoise, et notamment sur les mines. Voilà, tu nous as amené un petit morceau qui parle des mines. Oui, alors c'est quelqu'un qui s'appelait, parce qu'il est décédé il y a quelques années, qui s'appelait Roland Roche, qui est de Saint-Jean-Bonnefonds, qui était un acteur, musicien, qui faisait aussi beaucoup d'orgues de barbarie, et qui a fait tout un tas avec Animation 42 dans les années 80. Et ils ont fait tout un tas de CD, justement, sur la mine, sur la passementerie, enfin, sur des choses un peu engagées des luttes de la région, et notamment sur le tissage, parce qu'on ne le dit pas assez souvent, mais... Il y a beaucoup de lois sociales en France qui sont venues des tisseurs, et en particulier des tisseurs de la Croix-Rousse, bien sûr. Et donc Roland était très branché là-dessus, donc c'est ce CD-là. Voilà, donc voilà ceux qui veulent l'acquérir. Ça s'appelle « Mélodie en sous-sol, chanson du bassin minier de la Loire ». Voilà, il y a pas mal de chansons sur la Récamarie, voilà, alors, toute la vallée. Alors celui-ci, c'est sur la mine, et puis donc l'autre, sur la passementerie, c'était là... Il y a toute une série de... On le passera peut-être tout à l'heure. Ouais, sur, on mettra tout à l'heure. Voilà, c'est vraiment Roland Roche chante. C'est la chanson de passementier de la région stéphanoise. Voilà. Allez, on va aller du côté de Moussa. Comment ça va bien, Moussa? Ça va, doucement, mais sûrement. Ouais, bah toi, tu vas nous parler un petit peu du rock'n'roll quand même. T'as vécu pas mal de choses à Saint-Etienne sur le rock, le punk et pas que. Beaucoup de punk, ouais. Ouais, ouais. Beaucoup de punk, reggae, avec Matsko, avec pas mal d'associations de Saint-Etienne. J'ai été rodise aussi, Saïs Ougouzan, bien sûr. T'es hétérodiste de quel groupe? Quel groupe? Nord Désir, Mano Negra, Poulola. Poulola. Et tant d'autres. Et tant d'autres. Et Saïs Cousin, organisateur au château de Saïs Cousin, avec des jeunes, plus de bambou et tout ce qui s'ensuit. Et ça continue toujours là. Puis bon, j'ai un ami qui a une brasserie qui fait pas mal de concerts aussi sur Saïs. Avec pas mal de... c'est varié. Allez, on peut le citer, c'est la Brasserie La Canaille, avec Greg et Marion. Greg qui avait les Bouches d'égout à l'époque. Ouais, Bouches d'égout et Ennemi d'État. Ennemi d'État aussi, c'est vrai. Apparemment, il veut se reformer, je ne sais pas quand. Ils vont se déformer, ouais. Déformer. C'est moi qui les ai déformés. Allez, on va continuer le tour, puis on parlera, parce que je pense que tu as plein d'anecdotes, justement, ceux qui ont écouté l'émission qu'il y avait avant, tous les petits lieux qu'il y avait dans les années 80. Alors, c'est moi que j'ai plus connu ce que je disais les années 90, hein, ouais, 76, j'étais un peu petit, la patinoire. On va quand même dire bonjour à Richard. Ouais. Salut Richard. Bah, tu peux te présenter toi aussi, tu es dans la musique quelque Bien part sûr, aussi. Même. Le hasard de ma présence, hein, j'accompagne les copains en fait. Voilà, voilà, toi, tu as un petit magasin. Mais, ravi de poser ma voix sur le 9.5. Voilà. Hein, tu as un petit magasin du côté de l'impasse. J'ai un petit atelier typique, un truc clando. Sainte-Catherine, c'est ça? Si je ne me trompe pas. Oui, bah, anciennement, voilà. ceux qui connaissaient le Marienbad. Et voilà, c'est en face, voilà, juste en face, où il y avait la part. Où je propose, moi, ce qu'on appelle des objets rétro, vintage et compagnie. Et puis tu fais de la réparation aussi. Voilà. Je propose entretien et réparation d'anciens matériel. Et répare les vélos aussi. C'est le faire ailleurs. Je répare les âmes surtout. Je répare les âmes. Ben, on essaye tous de réparer nos âmes, voilà, comme dirait l'autre. Mais ravi d'être là. Et puis, allez, pourquoi pas participer. Le temps que Moussa réfléchisse à l'anecdote qu'il va nous raconter et que tout le monde se mette en place, voilà, on va s'écouter la compile. Donc la compile Furiana qui est sortie, enfin qui va sortir, non, je crois que c'est le 25 du coup, au Méliès. Pour ceux qui savent, il y a des concerts. 4 compiles en vinyle, que des Stéphanois, du 100% des années 80 jusqu'aux années 2020. Et ben, on va s'écouter un morceau. Je pense que Moussa, tu auras de quoi dire avec ce que je vais mettre, parce que je pense que ça va te rappeler des petits souvenirs. Allons-y, on voit. Voilà, le temps qu'il est pas. Salut à toi, oh mon frère. Salut à toi, Signatrac Corporation, l'Armageddon Bar et Kronstadt Tapes proposent pour 45 balles à tous ceux qui souffrent une cure de fun et de rock. Les soins auront lieu le vendredi 13 juin à Saint-Etienne au Holgati à 19h30 avec Bérurier Noir, les Babylon Fighters et OTH ou l'instinct du charnier. Venez danser le rap, venez danser le rap, venez danser le rap, les rapetos. Allez, on est toujours branché 89.5 Radio Lio. Alors mon petit Moussa, du coup, ça t'a rappelé quoi? C'est bon? Ouais, c'est bon, bien sûr. Quoi que c'est bon? Ouais, quand t'entends Berruria Noir, tous ces petits concerts qu'il y avait à l'époque. Alors c'était pas des Stéphanois, mais c'était dans des vieilles salles. Alors rappelle-nous un petit peu ces salles qui n'existent plus d'ailleurs, parce que la plupart n'existent plus si on parle Il y a eu le Hall C, ils ont joué à la patinoire. Pour Radio Lio, à la pause du travail. Ben, avec quelle année, premiers... allez, tu te rappelles? Quelle année, oulala, c'est les années 80, en... toi. Ouais, les années 80, 79, non, 80. Avec Berruria Noir, et puis je ne sais plus quel est le groupe qu'il y avait. Moi, j'étais portier. Et puis, je les ai refaits à Holgati et à la patinoire, avec la souris déléguée, avec... Babylon Fighters, ouais, j'ai vu tous les groupes de Saint-Etienne apparemment. Alors c'est lequel qui t'a le plus marqué si on termine? Tous. Tous. Toi t'es un peu une figure locale comme ça de la scène, comme ça. T'es un peu un pilier que c'est rassurant une de voir. Locale. Et ça me pose la question, par exemple, toi t'arrives comment dans cette scène d'énervé? J'arrive comment? Comme d'habitude. assez... Non mais c'est-à-dire, Mino, c'est quoi ta connexion comme ça avec cette bande de Zoulous là? Ma connexion, c'est ben, mon tempérament que j'ai quand je suis avec eux. Je suis, comment dire, bon, maintenant j'ai pris de la bouteille. Là, j'arrive plus à faire le pogo. Je suis cassé de partout, mais ça n'empêche pas de revoir tous ces groupes. Et puis bon, pas les anciens, mais il y en a pas mal qui se sont reformés, comme les Shérifs, ben, les Ramones de Menhir, c'est l'ancien Berruria Noir. Et tous les petits groupes punk qu'on a fait à Saï cette année aussi. Et prochainement, le prochain, c'est à la Forge, je pense. Et à Saï-sous-Couzan, bien sûr. Et mes 62 ans, ça fait depuis l'âge de 16 ans que je vadrouille avec des punks. Et alors, c'est ça, t'es de Saint-Etienne, toi, à la base? Je suis de Saint-Etienne, de Saï-sous-Couzan et Saint-Etienne. Ok, et à 16 ans alors, qu'est-ce qui fait que t'arrives comme ça et tu te dis putain, je vais traîner avec ces créteaux là? On a commencé au château de Saï avec avec carte de séjour, et puis il y a eu du théâtre, il y a eu. Mais c'est-à-dire au château de Saï dans les années 80? Dans les années bien avant, 79, 77. Et vous faites quoi dans ce château du coup? Ben, on faisait du théâtre, des concerts. Oui, pas mal de choses, quoi. Mais surtout beaucoup de théâtre et le festival qu'il y avait, on en a fait 5 là-haut. Festival de Saïs-sous-Couzan. Et toi, à 16 ans, du coup, t'organises des... Non, j'étais surtout dans le théâtre à 16 ans. Et on a commencé... faisais quoi ? Je faisais quoi ? Tu faisais des spectacles ? Non, j'étais artificier, monter des chœurs, pas tout ce qui s'ensuit, quoi. Surtout artificier, puis fumigène. Enfin, c'est-à-dire, dans la pièce de théâtre, là, il fallait que je fasse de la fumée pour... balade pour mon provisoire de Carlucci, de la tête de Lyon, et artificier pour la tête de la criée de Marseille avec Marcel Maréchal. Et puis après, bon, bah, nous on a pris la relève avec les jeunes de Saïe, on a monté une troupe, ils ont monté une troupe de théâtre qui s'appelait la tête de l'émeute, et après bah, on a pris la suite au château pour faire des festivals. Et alors justement ça, du coup fin des années 70 vous êtes dans le théâtre, et pourquoi dans les années 80 vous mettez à organiser des concerts ? Parce que le lieu était sympathique, et puis là c'était vraiment chouette, c'était en plein air, et puis bah, là, ça donnait lieu à faire justement de la musique. Et alors c'est quoi les premiers concerts que vous faites, le premier groupe que vous faites jouer ? C'était Night Shift avec Quart de Séjour. Ouais, ça c'était le pas premier. Bien. C'était du punk, ça ? C'était du... Quart de Séjour, un peu, quoi. Bon, c'est du rock... rockabille... Night Shift. Punk ? Non, Night Shift, c'est pas du punk, non. C'est plus reggae, quand même. Ouais, plus reggae, mais ouais. Bon, là... Vous avez l'esprit, on va dire. On a commencé par ça. Après, ça a été Parabellum, OTH, Parfum de Femme... Tout ça dans au Château de Saïe. Mais vous faisiez des concerts régulièrement, ou vous faisiez genre festival ? Une fois par an. Un festival. Un festival, ouais. Qui durait 2-3 jours ? Qui durait un jour. Et alors, c'était combien à l'époque, l'entrée du festival ? 5 balles. 5 balles, ouais. C'était cher ? Non, pas du tout. Et ça n'a pas changé, hein, sauf 100 euros. Mais pour 4 groupes. 4 groupes, c'était 5 francs. Et vous étiez combien pour organiser ce truc-là ? Dans les bureaux, on était 5. Puis vous étiez une asso, du coup. Vous étiez structuré en asso. Et c'était quoi le nom de l'asso ? Pousse de bambou. Pousse de bambou. Mmh. Et après, bon, c'était... Moi, j'ai laissé la place aux jeunes. On a interdiction de château, maintenant, par rapport à la sécurité. Oui, parce que du coup, là, il y a comme une sorte de... Oui, il y a eu un trou. Il y a eu un trou, mais du coup, les festivals à Saïs-sous-Couzon, ça dure pendant combien de temps ? Ça dure combien de temps ? Une journée ? Non, mais ça a duré combien de temps dans 6 ans au château. 6 ans au château. Ouais. Et après, c'était dans la salle des fêtes de Saïs-sous-Couzon, en bas. Ok. Oui, on a redémarré. Ça fait plus de 40 ans. C'est quoi, 78 ? On a redémarré avec Babylon Fighters. Non, mais tu m'entends ou ça ? Là, du coup, on est toujours dans les années 80. Ouais. Du coup, dans les années 80, vous faites pendant 6 ans au château et après, vous redémarrez. Il y a un trou. Ouais. Et après, vous redémarrez à la salle des fêtes. On repart à la salle des fêtes en 86-87. Et vous faites jouer Babylon Fighters. Avec Stick and Stock, un groupe de Montbrison et... un groupe de Saint-Étienne, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, je ne m'en souviens plus, les Hybrides. Et comment vous choisissez les groupes que vous faites jouer ? Par Crunchat Types, on connaissait bien Malfoy, Laurent Malfoy qui avait une association à Saint-Étienne, on passait surtout par lui. Quoi. Puis bon, il y a eu Second Track et on connaissait pas mal les groupes de Saint-Étienne. Puis bon, j'avais pas mal de copains qui étaient bien branchés musique aussi, qui arrivaient à trouver des pronoms, surtout le dictionnaire. Où il y a tous les c'est-à-dire vous preniez des mots d'Andico pour trouver des groupes ? Non, il y a un bouquin spécial pour, avec tous les coordonnées de tous les groupes rock, avec leurs contacts et tout ce qui s'ensuit. On arrivait à contacter comme ça. Et le plus gros concert qu'on ait fait, c'est Big Soul, qui malheureusement ont joué que 5 minutes. Ça n'a pas duré. Ouais. Non, pas duré. Mais alors, qu'est-ce qu'ils disent les groupes quand quand vous les contactez comme ça ? Parce que alors, j'imagine que, je sais pas, vous aviez pas un portefeuille méga méga extensible comme ça. Vous aviez des petits moyens d'assaut. Et alors, du coup, comment ça se passait les deals avec les groupes ? On avait une aide par la mairie, une subvention, et le reste était sur place par rapport aux entrées, suivant les entrées qu'on faisait. On avait pas mal, on avait la structure là pour qui nous aidait. Si jamais on n'a pas trop d'entrée, il nous disait, bon, ça sera pour l'année prochaine, c'est pas grave. Mais jamais on est rentré dans le rouge, quoi. Ouais, vous êtes toujours rentré dans vos frais. Toujours. Et des bons souvenirs de cette époque-là, par exemple, de concert, le meilleur et le pire souvenir, comme ça ? Bah, le pire, c'est Big Soul, parce qu'ils n'ont pas joué longtemps. Et pourquoi ils n'ont pas joué longtemps ? Bon, il y a eu une personne mal intentionnée qui a balancé une canette sur la chanteuse, qui n'a pas voulu reprendre le micro, et puis bon, ça s'est arrêté là, quoi. Ah ouais. Ah, c'est ça le rock'n'roll. Et alors, le concert comme ça, que t'es le plus fier d'avoir organisé comme ça? Ah oui, j'étais un peu plus jeune et puis bon, un peu plus dynamique. Et bon, d'organiser, c'était vraiment quelque chose que j'aimais, quoi. Parce mais le groupe que t'as préféré faire jouer? Il y a eu les Parabellum, Oberkampf, ouais. OTH, et bah, tant d'autres, les Hot Pants, qu'est-ce qu'il y avait d'autres, les Babylon Fighters et tout ce qui s'ensuit, quoi. Les Second Track, tous les groupes qui sont passés, à part, on n'a jamais eu de soucis avec eux, quoi. Et alors la mairie, ils flippaient pas de vos orgas? Parce que alors, j'imagine qu'ils devaient être contents qu'il y ait des jeunes qui se bougent localement. Mmh. Ils devaient être contents qu'en fait il se passe quelque chose et que vous organisiez quelque chose. Après, j'imagine que ça devait ramener aussi un public qui fait un peu trembler les mairies comme ça. Oh, il n'y avait pas de soucis de ce côté-là. Il n'y avait pas, on avait un maire qui était super sympa. Et de ce côté-là, non, on n'a jamais eu d'embrouille. Même maintenant, elle est sympa, Dominique. Oui, oui, c'est une nouvelle mairesse, oui. Bah, elle paye son canon, en tout cas. C'est pas tous les maires. Enfin bon, là, les petits jeux n'ont repris. Là, la succession, ça repart. On fait des festivals dans la salle. Donc là, actuellement. Oui. Parce qu'il y a, dans les années 90, le festival de Seyssoukouzan, il continue. Mais là, c'est des petits jeunes qui ont repris, là. Maintenant, c'est toutes les années, au mois de mai, ça dure 3 jours. Ok. Et alors, c'est quoi un peu l'ambiance maintenant? Pareil, même pire. Pareil, même pire. Premier week-end de mai pour voilà, chaque festival. Ouais, toujours des concerts. Toujours des concerts punk, toujours, ouais, des groupes comme Les Chiens Écrasés, Les Amis de ta femme, du punk, du vrai punk, quoi. Mais il y a aussi, c'est marrant, il y a aussi cette connexion un petit peu du point de départ, un petit peu de votre élan aussi. C'est que dans les festivals, il y a aussi des trucs de théâtre de rue un peu qui passent. Et... On a eu fait ça, oui. On a eu fait. On a fait venir pas mal de saltimbanques, des cracheurs de feu, des jongleurs, des jeunes qui faisaient on appelle ça ceux qui dansent, qui passaient dans la rue. De la capoeira, du hip-hop. Un peu de tout, quoi. Ouais. Et puis, voilà tout, quoi. Et alors, comment localement ça se transmet aussi, cet élan? C'est-à-dire que, toi, j'imagine que t'as organisé jusqu'à quand, t'as fait partie de l'orgue jusqu'à quand, ben, tu t'en fais toujours un petit peu partie. Oui, je redonne un coup de main, ouais. Et comment c'est parti de génération en génération? Comment c'est parti de génération? C'est-à-dire que toi, j'imagine que t'as vu plusieurs générations. Là, on en évoque deux, du coup, ceux de maintenant, et puis... Et il y en a encore une, même au milieu, si ce n'est pas deux. Moi, personnellement, je suis revenu sur Saint-Etienne parce que, bon, sur Saï, j'avais plus de boulot. Je suis revenu sur Saint-Etienne et puis, bon, les jeunes ont repris derrière de Saï. Et ça continue tout le temps. C'est toujours c'est des jeunes de 30 ans, maintenant 25 ans, 30 ans. Et là, à l'occasion que j'y vais, je leur donne un coup de main ou pour monter les structures et tout ça. Oui. Et là, l'évolution elle s'est faite par mes amis, même de Saint-Etienne, qui venaient nous aider à Saï. Et là, ça repart au mois de mai. On en fait tous les mois de mai, toutes les années au mois de mai, qui dure 3 jours. Et à l'heure de maintenant, où je dirais que je sais pas si les jeunes rebelles de maintenant, ils écoutent encore du rock'n'roll, mais j'ai l'impression que le rock'n'roll, c'est un peu le rock'n'roll, le punk en général et tout ça, c'est un peu une musique de vieux. Comment t'expliques qu'il y a Seyssoukouzan, ça, il reste un petit peu ce bastion là, comme ça, rock'n'roll? Parce que toutes les personnes qu'on connaît, c'est que des punks à Saï. Il y a que des punks presque. Et on a tous des amis, bon, ceux qui font... Mais c'est-à-dire, ils naissent punk à Seyssoukouzan? Je crois bien, ouais. Même les enfants. La plupart, ouais, c'est pas des bêtises, hein. C'est vraiment des générations de punk. Non, mais c'est... Là, il pas... Ils naissent avec une crête. On travaille bien avec les poules à crête. Nous, on travaille bien avec eux, c'est des potes à nous. Les poules à crête, c'est un festival qui est toutes les années aussi. À Seyssoukouzan aussi? Non, du côté de... dans le Rouennais. Ok. Dans le Rouennais, il y avait poules à crête. Il y a pas mal aux alentours de Saint-Etienne, il y avait Champoly. Il y avait la fête de la bière avec des groupes punk aussi. Il y a à côté de Chaise-sur-Lyon, il y a un festival où on connaît toutes les personnes qui organisent aussi, qui font un petit concert punk aussi, festival. Il y a Clépé qui faisait un petit festival bien sympa, gratuit. Et puis voilà, entre nous, bon, ben, on essaie de se contacter pour se prêter des, enfin, se donner des groupes ou ce qui s'en suit. Et alors, j'imagine quand même avec une telle histoire comme ça d'organisation de concerts qui chiffre à une bonne quarantaine d'années là, comme ça, Vinay. Vous avez dû voir vieillir des groupes et en fait il y a de l'histoire qui a dû se créer aussi avec des icos, avec des groupes. Alors il y en a certains, je pense que quand vous les avez fait jouer, peut-être après vous n'avez pas trop envie de refaire jouer, ce qui arrive aussi dans l'orga de concert, mais il y en a d'autres où il y a peut-être une histoire qui s'est continuée comme ça. Le plus vieux qu'on revoit, c'est bien les Naufragés, l'anciennement OTH, que j'ai revu il n'y a pas longtemps à Spirou, que je connais spécialement. Et il y a eu les Ludwig, les Shérifs, ils reviennent tous. Ils sont un peu plus jeunes que moi, ils ont la soixantaine en fait. Mmh. Et bon, là, ils reviennent. Il y a pas mal de groupes qui se remettent en route, quoi. Enfin, qui n'ont pas arrêté, quoi. Ils reprennent, reprennent le flambeau. Bon, ils ont changé ou de musicien ou de. Il y a les Négresses Vertes qui se sont remis sur scène aussi. Les Naufragés reprennent beaucoup les chansons d'OTH. Les Beru, maintenant, c'est les Ramon Menhir. Les Shérifs, c'est toujours les Shérifs. Bon, il y a une ou deux personnes qui ont changé dedans. Mais ils sont tous dans la soixantaine, c'est pas plus de 50 ans. Quoi. Et alors, localement, les gens de Saïsoukouzan, ils en pensent quoi du festival? Ah, les gens, ça attire du monde. Hein, ça fait tourner les commerces, ça fait tourner la brasserie, ça fait tourner tout le monde. Quoi. Le peu de commerce qu'il y a, faut dire. Ah ben, la brasserie, le bar, voilà. Et puis bon, l'épicerie. L'épicerie, le bar et la brasserie. Et la boulangerie, il ne faut pas l'oublier. C'est pas le hasard comme ça. Enfin, je veux dire, c'est important en campagne, comme ça on croirait que c'est tombé du ciel, mais c'est quand même. Bah, moi, je suis né à côté dans la plaine du Forêt. Quand j'avais 15-16 ans, j'allais à ça, justement, quand il y avait le théâtre avec Marcel Maréchal. Il y a eu Maurice Tachan, il y avait même des gens engagés qui passaient à ça. C'est-à-dire qu'ils ont fait un énorme boulot. Il faisait venir également des gamins de la ville pour faire un travail avec des sculpteurs. Il y a eu un parc à un moment qui a été fait avec des gamins de la ville. Il est toujours le parc. Il y est toujours. Ouais. Il y avait un vrai travail culturel. C'est pour ça, je pense que quand tu sèmes, alors après la culture, tes champignons, tu les ramasses pas, c'est pas toujours les mêmes, sans jeu de mots. Mais je veux dire, c'est pas né au milieu de rien. C'est-à-dire que ça, il a toujours été dans la plaine du Forêt le seul exemple d'une mairie qui a vraiment investi dans le culturel depuis les années 70. Enfin, toi, c'est. Je pense que ça... Et alors du coup, vous l'expliquez ça par la mairie, et vous pensez qu'il y a d'autres raisons comme ça qui fait que, parce que, qu'on soit bien d'accord, il y a des coins de campagne où il y a eu des élans, je pense par exemple à Sainte-Sigolène, et puis après ça s'est un peu arrêté, il y a des endroits où il n'y a jamais rien eu, il y a plein de gens qui vivent dans des campagnes, et des jeunes d'ailleurs qui partent des campagnes et qui disent « putain, il ne se passe rien dans mon bled » et tout ça, et qu'est-ce qui fait qu'à Saï, ça a commencé et que ça ne s'arrête pas? C'est quand même fou. C'est une continuité. Le maire a été le premier maire qu'il y avait, c'est Michel Houzet. Et puis bon, par rapport, comme dit Jean-Luc, au château, ça a commencé par Nils Cudero, des chanteurs assez engagés. Et nous, on a continué par la suite, par le rock. Ouais, du coup, il y avait un avant, avant votre bande, comme ça. Du coup, il y avait déjà un terreau un petit peu chanson militante engagée et des gens qui faisaient déjà des événements comme ça là-bas. Ouais, au château, ouais. Et du coup, ça me pose aussi la question sur vos festivals. Du coup, avec une telle durée là, comme ça, j'imagine que dans les festivals, il doit y avoir plein de générations aussi qui se mélangent comme ça. Il y a de plus en plus, oui, mais surtout. Forcément, il y a les jeunes rebelles de chaque époque. Mais du coup, est-ce que les anciens, ils viennent toujours aux concerts et aux festivals? Moi, je dirais méta, moi. Il n'y a que moi qui. Non, il n'y a pas tout que toi. Non, mais non. Moi, je dirais que c'est un beau mélange, c'est vrai. Hein, parce que, tu vois, quand on disait que les enfants reprennent un peu le flambeau des parents, mais alors, je ne sais pas s'ils ont vraiment tous été élevés dans pas tous. Mais quand même, quand tu vas à ça, moi, je sais que les concerts à la Canaille, c'est là où on voit bien les gens. Il y a autant de jeunes de 18-20 ans que d'anciens de 50 à 70 balais. Hein. Donc, je pense qu'il y a quand même une relève qui est effective du côté de Saï. Alors c'est vrai que c'est pas de partout, mais à Saï c'est vraiment flagrant quoi. Il y a pas de. Et alors c'est ça, c'est qu'en plus du coup dans la transmission générationnelle avec un truc qui dure et qui s'inscrit autant dans le temps, c'est que en plus il y a les enfants d'eux du coup. Ah bah oui, là il y a les enfants d'eux, mais pas que. Les enfants d'eux ramènent les enfants d'eux. Ah ouais. C'est un truc un peu quand même. Et est-ce que les enfants d'eux ramènent les parents qui étaient pas venus avant? La plupart si. Ouais, je pense que oui. Il y a pas mal de petits jeunes qui viennent. Moi, j'ai un copain qui fait pas mal de festivals. Là, son gamin, il a 13 ans. Là, il a dû en avoir 18. Et bon, il fait pas mal de concerts un peu partout, quoi. Il bouge. Et alors, à un niveau perso, toi, qu'est-ce qui fait que tu te barres de Saïssoukouzan et que tu viens à Saint-Étienne? Alors que ça bouge quand même, Saïssoukouzan, du coup, de ce que t'en dis. Bah, pas tout le temps. Il n'y a plus de boulot, surtout. Il n'y a plus de boulot, et puis bon, c'est tout fermé, les usines ont fermé, les commerces ont fermé. Et voilà, c'est que week-end où on peut, en été surtout. Bon, heureusement qu'il y a la brasserie, je vous dis, la Canaille, qui fait des concerts une fois par mois. Et des manifestations comme... il fait pas mal de... comment dire... dernièrement, il a fait quoi? Il a fait un truc, un concours de soupe avec concert après. Bah, alors qui ça, du coup, la mairie, ouais. Il fait marché d'automne, là, bientôt. Donc ça, c'est la mairie qui organise. Non, c'est la brasserie. C'est la brasserie. La Canaille, ouais. Qui font pas mal bouger le village, il faut le dire. C'est vrai. Bon, je vous propose, là, on a bien parlé, une petite pause musicale. Et pour se mettre dans le jus, ben, on va aller du côté des groupes qui... Lui, il a forcément dû passer à ça, tu nous le diras après, Moussa. Et moi, si le mien, c'est faire un le temps courait sur terre. Non, non, je ne regrette rien. À chacun son destin. Et moi, si le mien, c'est faire un bruit d'enfer avec quelques copains. Le temps courait sur terre pour un enfer. Allez, vous êtes toujours branchés, 895 Radio Duo. Alors en fond, on s'écoutait la fameuse compile Les héros du peuple sont immortels, voilà, avec toutes les têtes de mort. Et à l'instant, bah, c'est Babylon Fighters, les Stéphanois des Babylon Fighters, qui était mon générique de Peace in Vibe pendant 5-6 ans. Allez, on accueille quelqu'un d'autre. Salut à toi Rémi, comment ça va? Salut, salut. Tranquille, bah, toi t'as l'habitude de la radio, t'es venu plusieurs fois. Ouais, je suis venu 2-3 fois. Ouais, alors allez, tu peux nous présenter un peu les deux fois que t'étais venu. T'étais venu pour un projet rap? Exact, ouais, j'étais venu pour un projet rap. Et la deuxième fois, je suis venu pour mon projet de techno. Techno house un peu. Techno house, ouais. Ouais. Voilà. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une petite quinzaine, 3 semaines, allez, 3 semaines à moi. Exact. Bah, merci d'être là. On va attendre merci aussi Kazo qui va arriver avec La Solide et Nabil, voilà, nous faire du rap et nous présenter un peu ce qu'ils font avec leur asso Baramine. Jean-Luc, allez, je t'ai calé un petit morceau, tu peux nous en parler? Alors, c'est un groupe, moi, que je ne connais pas, tu vois, on connaît pas tous les groupes stéphanois. Alors, présente-le nous et dis-nous un petit peu ce qu'ils font et de quelle année c'est. Et c'est quel groupe? Quel groupe tu parles? Eh ben, c'est que tu m'as amené. Ah, c'est micro, ouais. micro. Attends, je t'entends pas du tout, pourquoi? Micro. Il doit y avoir, attends, ton micro, essaye de toucher ton micro, il y a plus rien. Ah, si, c'est bon. Ah, si, là, c'est vrai, là, c'est bon, il y a un faux contact. Voilà. Tranquille. Alors, Iguaracha, c'est marrant parce que c'est un groupe de musique sud-américaine. C'est vrai que dans les années 80, moi, je parlerai plus au niveau de la musique en lien avec une période très militante sur Saint-Étienne et la région. D'ailleurs, on parlait de ça, mais sur ça, c'était le cas aussi. Et notamment autour de l'antimilitarisme. Alors, je suis content de voir qu'à Saint-Étienne, il y a un groupe, qui, un collectif qui vient de se créer, là, qui a déjà fait des choses pour le 11 novembre. Et parce que la musique n'est pas déconnectée de la réalité. Ils sont allés justement le 11 novembre à Saint-Étienne et ils ont chanté des chants pacifistes à la place des chants militaires pendant la cérémonie du 11 novembre. La Loire est quand même le seul département de France où on a un monument antimilitariste à Saint-Martin-d'Estréau, à côté de Roanne. Et il y a une tradition antimilitariste assez ancrée, que ce soit sur le Rhône et la Loire. Il y a eu à une époque une bonne cinquantaine d'objecteurs insoumis et autant de procès. Enfin, moi, je suis passé par exemple en procès à Montbrison. Et chaque fois qu'on avait des procès, il y avait des gens qui renvoyaient leur livret militaire, donc il y avait d'autres procès. Et chaque fois qu'on avait des procès, on avait des galas de soutien. Donc dans ces galas de soutien, il y avait des gens comme justement ceux dont je parle, là, Los Guarachas, il y avait Roland Roche, il y avait Animation 42, il y avait Isnagen, c'était un des premiers concerts qu'ils faisaient dans le coin. Oui, Isnagen, j'avoue. Isnagen, ouais. C'était tous ces groupes-là. Et on a même fait le summum du summum, parce qu'en rural, c'était quand même pas gagné. On a fait un camping national antimilitariste où il y avait 300-400 personnes au col de la Loge. dans la station de ski. Donc on avait pipoté un peu pour raconter un peu ce qu'on allait faire. Enfin, on n'avait pas exactement très bien rentré dans les détails. Et on avait fait un concert le dimanche soir avec, justement, j'ai regardé sur le bouquin, c'est rigolo, Blanc SS. Blanc SS qui faisait du punk, à cela, c'était de la crête. Hein, c'était super, avec Jean-Marc Le Bihan, avec des gens comme ça. Enfin, moi, ça a toujours été très lié à cet aspect un peu militant, où il y avait beaucoup de concerts, justement, ou des balles folk, parce qu'à l'époque, on dansait folk aussi, et qui se passaient dans le coin. Donc, la musique n'était pas déconnecté des luttes, que ce soit l'Arzac, que ce soit l'objection, l'insoumission, des luttes agricoles. Il y avait aussi dans le coin, la Loire a été toujours au niveau agricole. Il y a beaucoup d'agriculteurs. Une terre et puis une terre du monde agricole de gauche. La Confédération paysanne, les paysans travailleurs de la Loire ont toujours été là-dedans, ce qui n'est pas le cas partout. Hein, parce que la FNACA, c'est pas tout à fait. Pas la FNACA, la FDSEA, c'est pas tout à fait la même chose. La FNACA non plus. La FDSEA, c'est pas tout à fait la même tendance. Et dans la Loire, il y a toujours eu ce côté quand même très, très militant. Et la musique allait avec. Donc je pense que les choses n'étaient pas déconnectées. Allez, et ben on va s'écouter un petit morceau. Le Guacha, alors je ne sais pas si tu passes le morceau qu'ils ont. Ils ont fait une reprise de François Béranger. Nous sommes un cas avec la musique des Andes, donc c'est plutôt rigolo. Allez, ben on s'écoute ça, c'est parti mon kiki. Nous avons bien trop tardé à faire nous aussi du sud-américain. Nous avons bien trop tardé à grossir les rangs de tous les faux indiens. Quand on fait de la musique, faut avoir l'esprit pratique. Il faut savoir exploiter le goût immodéré des gens pour l'exotique. Surtout pas se mettre en tête originalité, authenticité. Aïe aïe aïe aïe, voilà les grands mots lâchés. Aïe aïe aïe aïe, si on fait dans les idées, on va sûrement être exclu de la fraternité des chanteurs à succès. À la place d'un tas de dollars, on va tout juste avoir si les écoles libérées. La musique des Indiens ou celle des Mexicains ou celle des Colombiens, ça nous dit seulement misère, sécheresse de la terre, pouvoir des militaires, peuples écartelés, villages abandonnés, bidonvilles surpeuplées avec plein d'enfants bien sous-alimentés, et les prisons infernales où sévissent torture, carnage et pourriture. Aïe aïe aïe aïe, c'est pas ça qu'il fallait dire. Aïe aïe aïe aïe, on ne va pas s'en sortir, on ne va pas réussir à faire la chanson qui donne envie de partir. La chanson publicitaire pour remplir les charters de joyeux vacanciers. Anachronique, à travers cette chanson complètement débile avant d'être sénile. Nous les vieux Los Guarachas, on vient vous apporter salut fraternité. Aux peuples écartelés, aux villages abandonnés, aux bidonvilles surpeuplées avec plein d'enfants bien sous-alimentés, et aux prisons infernales où sévissent torture, carnage et pourriture. Aïe aïe aïe aïe, c'est pas ça qu'il faudrait dire. Aïe aïe aïe, on ne va pas s'en sortir, on ne va pas réussir à faire la chanson qui donne envie de partir. La chanson publicitaire pour remplir les charters de joyeux vacanciers. Guarachos. Voilà, on, bah, ça change un peu du punk. Guarachas, et le chanteur, tu disais qu'il avait un peu la voix de qui déjà, bah, de Corinche. De Corinche. Et bah, le chanteur, c'est Antoine Gérassi, qui a aussi une carrière de chanteur, d'écrivain, et qui est aujourd'hui président des Restaurants du Cœur de la Loire. D'accord. Donc Antoine, et qui a chanté donc avec les Guarachas. Voilà. D'accord. Allez, je voulais qu'on parle aussi un petit peu, bah, des lieux même actuels. On peut penser à un petit coucou à Daniel qui nous écoute. Voilà, il faut dire que Daniel, du côté de l'entrepôt, a toujours mis Radio Duo dans son bistrot. Et puis voilà, toujours fait des concerts punk rock, pas que, de chansons françaises. C'est vrai que c'est plus un bar à punk rock, on peut le dire. Voilà, vous pouvez nous parler un peu de cette épopée, parce qu'avant, il y avait l'Armageddon. Alors, Moussa, je sais que t'as connu, toi, l'Armageddon. Apparemment, c'est un peu lui le précurseur des concerts rock avec d'autres bars que tu vas nous citer, je pense. Ben, il y avait la Marguédon, oui, Messer Gagnant, des bars qui faisaient des concerts, il y avait le Bateau-Ivre, il y avait pas mal de... Mais la Marguédon, c'était vraiment le lieu où il y avait des concerts, avec le Messer Gagnant, bien sûr, où il y avait des concerts pratiquement tous les week-ends, quoi. Et c'était surtout, ben oui... Et puis il y a eu des grosses pointures qui sont venues. Ah ben, OTH, OTH, Parabellum, à la Marguédon, Messer Gagnant, ben, il y a eu les Dealers, il y a eu... Bah, tant d'autres, tous les groupes qu'on connaît qui sont... Tonton David. Sur la... Ah, ouais. Ah non, mais il n'y a pas que du punk, hein, faut aussi voir. Il y avait Tonton David. Moi, toujours... Il y a Babylon Circus qui a fait le dernier concert au Mistral. Moi, j'y étais, c'est quand pour sa fermeture. Ah, ouais. Je m'étais fait virer, je me rappelle. Ouais, voilà, c'était quand même une épopée, et c'est ce qu'on dit, il y a encore quand même des lieux. Alors, c'est ce que... je ne sais pas si vous avez écouté l'émission d'avant, ce que je disais, mais c'est vrai que maintenant, il y a plus des lieux... Avant, on va dire que c'était plus des lieux où les gens, bah, ils trouvaient un lieu, ils y allaient, et puis voilà, ça bougeait. C'était souvent des petits bars ou des petits lieux un peu à l'abandon. On va pas dire des squats, mais il y avait un peu de ça. Il y avait cet esprit un peu, on trouve un lieu, on y va. Maintenant, c'est vrai qu'après, il y a eu l'Olsé. Maintenant, il y a des Zéniths, il y a le Fil, il y a des... Local 100%. Ça... Alors, qu'est-ce que vous pensez de toutes ces nouvelles salles? Est-ce que ces salles apportent quelque chose, déjà? Ou est-ce que finalement, on regrette un peu cette époque où on allait un peu de lieu en lieu et que c'était quand même bien? Alors, c'est vrai que les années 80 à Saint-Etienne, on va le dire, c'était quand même bien punk rock. C'est plus intéressant dans les petites salles qu'on faisait, nous. Comme Saint-Pierre, avec les jeunes, on avait ouvert ce lieu vers la rue, vers pas loin du Mistral. Le Marine-Bad? Non, le Saint-Pierre. Le Saint-Pierre, ah oui, dans la cour. Là. C'était un loyer, ouais, un squat, en fait. Et où il y a eu pas mal de concerts aussi. Il y a eu, bah, au-dessus de Passe Grenette aussi. Et la patinoire. Et on en faisait aussi à la Bourse du Travail. Olsé, non? Marquis. Olsé, après. Ouais, c'est vrai qu'il y a quand même des bons trucs. Olsé, il y a du bon truc. Ouais. Bon, maintenant, c'est vrai que le Fil, le Zénith, c'est moins accessible pour certaines personnes, quoi. Ouais, puis les grosses salles. C'est ce que j'allais dire. Il y a aussi la proximité quand t'es dans les petits coins, parce que t'as oublié dans un endroit aussi où il y a des concerts et qui est sympa à Saint-Thé. Toi, tu connais pas, mais ça s'appelle le Démineur. Non. On va faire de la pub. Moi, ouais, mais là, on est plus dans les années 80-2020. Ouais, mais ça fait rien. Là, on est en 2020. Si, début 2020. Je connais pas. Ça se trouve. Ouais, j'aime aller Moussa. Moussa, il a même sa place. C'est même marqué sur la table, la place à Moussa. Et si vous prenez la place à Moussa, vous êtes mal barré. Mais pas qu'au Démineur, il a l'entrepôt, il a la brasserie, il a dans toutes les brasseries. En fait. Mais pour revenir chez Daniel ou le Démineur, c'est vrai qu'il y a après un esprit qui est sympa. Chez Daniel, par exemple, la map, il y a la map tous les mardis soirs. Donc la map, c'est l'association pour le maintien d'une agriculture paysanne, où on récupère un panier. Donc là-bas, c'est assez souple. Donc ce qui est bien, c'est qu'on prend des paniers, on en prend au moins deux par mois, mais c'est souple. Il y a des endroits où c'est beaucoup moins souple. Il y a toute une ambiance derrière. C'est la chance d'être dans un bistrot. En plus, Daniel, il a un accueil fabuleux des gens du Sud. Et alors, il y a le lien de la musique. Ouais, on se sent un peu comme à la maison. Donc c'est vraiment des lieux importants entre le Démineur et l'entrepôt. C'est vrai que dans cette rue, alors il y a la musique, mais il n'y a pas que la musique. Encore une fois, il y a tous les liens qui se créent entre les gens. Oui, et puis cet aspect d'un map qui est quand même... Après, c'est vraiment le bas du Crédroc, c'est un quartier populaire. Tu ne peux pas comparer ça au Martyr de Vingré ou voilà, à d'autres lieux. Alors, en disant pas qu'il y a des bons lieux aussi à Saint-Étienne, il y a d'autres lieux. Le bar et vous, c'est bien aussi. Il y a la cale au Crédroc. L'amicale du Crédroc. L'amicale du Crédroc qui fait un super boulot sur le plan culturel et social. Voilà, les amicales en général, parce qu'il y a Tardy aussi. Il y a quand même les amicales qui ne se bougent pas. Avant, il y avait la clé de voûte aussi. La clé de voûte qui a perduré pendant un petit moment. Il y avait des bons trucs à clé de voûte, je me rappelle bien. Ouais. ouais. plein de concerts. Hein. C'est ouais. vrai que c'est voilà. une bonne salle, ça. Donc voilà. Le pied de biche aussi qui est... Le pied de biche qui a été aussi, ouais, c'est un moment, ça a été bien rock'n'roll. Qui a complété le fameux triangle des Bermudes. Ouais. Voilà, le triangle des Bermudes. C'était fatal, effectivement, cette place. Allez, on va faire un blind test. J'ai envie de faire un blind test. Alors ce soir, il y en a un du côté du Smoking Dog sur les duos improbables. Alors si vous voulez y passer. Mais nous, on va faire un blind test. À la Moussa, je pense que tu vas trouver en premier. On écoute. Merci. Le premier qui trouve, il a une bière. C'est un vrai petit studio. Matelassé comme dans un bateau. Tu trouves tout le luxe et confort. Automobile, immobile, tu démarres. Ils sont pas bien forts. Ah, hein, non, mais je vois pas du tout. Moussa, tu l'as pas? Allez, ça commence par un I. Tu veux garder tes bières en fait. Ça commence par un I. Ouais, j'ai fini par quoi? Par un O. Je te dis Ish. Ishi vidéo. Bravo! Ah putain, bah, il aurait mis un moment. Franchement, je pensais que. Non, mais je pensais que pour toi, c'était vachement. Ouais, c'est vieux tout ça. Et ça date de quand, tiens, vas-y. Allez, dis-nous, ouais, du coup, ouais, j'en cale un autre. Je sais plus. Ishibido, plus là. Ishibidi. Je sais plus du tout. Des années 80, je pense. 80? Alors, et ça? T'as sur là, c'est un peu plus rock. Hein. T'es prêt? Toujours extrait de la compil Furiana, les 4 vinyles qui aura le 25 du côté du Méliès Le France. Alors, un indice, Jean-Luc en a parlé. Blanc-SS. Bravo, Blanc-SS. Ah, oui. Ah bah tu vois, finalement, les souvenirs reviennent. Alors ça date, hein, parce que ça, c'est pareil, c'est les années... Aussi. Ah ouais. C'est les années 80, ça, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est, moi aussi. Ouais, c'est ça, à peu près, années 80. Ouais. Bon, allez, j'ai calé autre chose. Je vais te faire plaisir, tant que les jeux ne sont pas arrivés pour faire leur live, j'ai calé un truc pour toi, forcément. Pour qui tu veux dire par là, tu veux dire par là qu'on est vieux? Il me regarde. J'ai pas dit ça. Il me regarde. Non, on va s'écouter un petit Hervé Roche. Roland Roche. Et parce que je connais deux Hervé Roche, en plus, c'est vrai. Il y en a eu un ici, d'ailleurs. Hervé Roche, c'était pas et il y a Hervé Roche, un autre Hervé Roche, c'est vrai. De Roche Lavalière aussi, là, c'est vrai. J'avais une anecdote, mais je la dirai pas. Alors, ouais, je t'ai choisi le morceau En poussant la navette. Ah ouais. Alors, qui nous parle de quoi? Alors, c'est sur le tissage, parce qu'on est aussi dans une région de tissage, hein, comme je disais tout à l'heure, notamment de passementerie à Saint-Étienne. Et les grands-parents de Roland étaient passementiers à Saint-Jean-Bonnefond. Donc, il a écrit tout un tas de chansons. Il a repris des vieilles chansons, parce qu'il y a des chansons sur la mine et sur le tissage qui datent depuis les années 1800. Donc, il les a remis en musique et... Et c'est aussi en lien de chants des années 1800. C'est des reprises de chants qu'il a. Voilà. Souvent, les textes existaient déjà à l'époque. Hein. Il y a eu des luttes depuis toujours, de toute façon. Ouais. Heureusement. Allez, bon, on s'écoute ça et on le temps de boire une petite binouze, comme d'hab. Même si ça se voit pas. Ouais, ne parlons pas au passé. Le tisserand. Dès l'aube se réveille, tout en croisant la trame avec la chaîne. Pourquoi, dit-il, avons-nous tant de peine? Et tip-étape, et tip-étape, un fil cassé, du temps perdu. Comment pouvoir avoir mon dû? Et roulant là, en poussant la navette, le bon temps viendra. En poussant la navette, le bon temps viendra. Dans sa chaumière ou dans la grande usine, il a toujours misère pour voisine, même au jour gras, bien maigre est sa cuisine. Est-il pétape, est-il pétape, est-il trop gros, est-il trop fin? Et les petits pleurant la faim, et roulant là, en poussant la navette, le bon temps viendra. En poussant la navette, le bon temps viendra. Il peut tisser velours, coton ou laine, pour le dimanche ou bien pour la semaine. Peut-il toujours il y eut trop de peine. Et tipé, couché tard, levé matin, ourdit la toile ou le satin, et roulant là, en tissant la navette, le bon temps viendra. En tissant la navette, le bon temps viendra. Le tisseron, malgré sa malchance, c'est bien pourtant que le printemps s'avance, et dans son cœur tressaille l'espérance. Et tipé, peau dure tapage des métiers, l'esprit voyage volontiers, et roulant là, en poussant la navette, le bon temps viendra. En poussant la navette, le bon temps viendra. Non pour lui seul, mais bien pour tous ses frères, les meurs de faim, les gueux, les pauvres airs, viendra bientôt l'aurore qu'il espère. Et tipé, écoute bruire la cité, lutte pour la liberté, et roulant là, en poussant la navette, le bon temps viendra. Et roulant là, en poussant la navette, le bon temps viendra. Ah, un petit moment d'émotion avant de remettre un peu de punk. Ouais, pas confondre avec une chanson de Noël. Mais quand t'écoutes tes textes, ça peut être très, très d'actualité. Hein. C'est, oui, bien sûr. Par contre, côté texte, voilà. Disons que c'est pas là-dessus qu'on fera un pogo. C'est évident. Non, mais il n'y a pas que le pogo dans la vie. Oui, il n'y a pas que le pogo dans la vie. Ouais. Bah, oui, bien sûr, bah, heureusement. Mais d'ailleurs, voilà, faut le préciser, le retour de la guinguette, c'est pas que du punk, pas que du rock, c'est de la chanson française, c'est du reggae, c'est tout ce que tourne la chanson française. Et puis des moments, on s'égare. Hein. Moi, ça m'arrive de mettre des musiques de l'Est parce que j'aime bien. Et je crois que c'est aussi ça l'avantage d'une radio libre, c'est qu'on peut passer ce qu'on veut. C'est l'esprit roucheur. C'est l'esprit roucheur, voilà, l'esprit roucheur qui est pas mal. Rémi, tu vas nous parler un petit peu de ce que t'as fait, du coup tout à l'heure tu nous l'as dit vite fait. Alors t'en es où là de ton projet pour Techno House là? T'as commencé à prospecter pour faire des petits concerts ou pas? Ouais, bah là je m'entraîne à mixer, voilà, et bah là c'est tout prêt, donc voilà, là je m'entraîne et je vais avoir des dates. Bah j'ai une date chez toi d'ailleurs, le 2 décembre, voilà. Ça va envoyer le pâté, ça va frapper l'arbre. Alors si tu veux qu'on en écoute une, dis-moi laquelle, tiens, je les ai. Barbare. Ouais, mais Zitoun, non. Zitoun, ah, je l'aime bien. La 4, on veut du boulot. Ça frappe l'arbre un peu. Ça frappe l'arbre. Allez, on s'écoute Zitoun et on en reparle après. Ça frappe. Ça change aussi. MC. Et voilà, ça s'appelle Rémi Boulot, frappe l'arbre. Alors Rémi, voilà, tu joues le 2 décembre du côté de la place, à côté de la plage Jules-Gaz, rue du Jeu de l'Arc. Au démineur. Au démineur. J'aime pas trop me faire de la pub, c'est sûr. C'est, ouais, c'est, bah, quel est donc ce lieu? C'est lieu, c'est lieu de débauche. Ça va envoyer du lourd, je suis en train de préparer un bon set là, bien vénère. Bon. Et normalement, le deuxième album il va sortir bientôt. Ouais. J'attends tout, là, y a tout. En fait, j'attends, là. j'attends ce qu'il faut pour que ça sorte. Bon, bah nickel. Voilà, bah, ça va sortir, tu nous en reparles sur le 895. De toute façon, on est là pour le, d'abord les Stéphanois, la Loire, et puis nous, on accueille tous les groupes. Hein. Tant que c'est des groupes cool qui ont des bonnes vibrations à donner, on aime. Allez, on va repartir avec le blind test. Allez, je vous mets un petit bout. Alors, j'espère que là, normalement, Moussa, si tu trouves pas. Il est déjà trop bien. Yeah! Non, même pas avec l'intro. Non, toujours pas. Ah oui, tu peux rappeler le numéro de la radio éventuellement, ceux qui souhaitent appeler pour éventuellement... Allez, allez, vous pouvez appeler au 04 77 25 05 94. Ça sent sauf imprévu un peu comme celui ça. Celui qui l'a, il peut revenir boire, je lui mettrai une bière de côté dans le frigo de Radio Dio. Allez, allez, ça commence par un S. Les Shoot Dogs. Ah non, non, là, Shoot Dogs c'est plus récent. On s'en mettra un tout à l'heure. La personne qui chante est décédée. Il y a un W après, là, là, là, vous êtes obligé de ça. La personne qui chante, elle a fait partie de, des Silicon Damage, il me semble. Bassiste, mais aussi gratteur. SWK. Non. Switch Town. Non, ah, t'as la liste. C'est ça, c'est ça. Ah, c'est ça. Mais non, ça. C'est pas les Switch Town. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Mais non, c'est Straight to Hell. Il suffit de savoir lire. Dommage. Tu voulais que je le remette? Non, c'est sûr. Non, c'est Straight to Hell. J'en mettrai ma main à couper. Alors. Swiss Dance, mais Swiss Dance, le dernier de la face, c'est hyper énervé. C'est le dernier de la face. C'est le dernier de la face, allez, je le remets. Je le mets plus fort, ça, vous allez plus fort. Vous l'aviez pas. Moi, je te dis, c'est, je suis sûr et certain, c'est Straight to Hell. Je suis mauvais perdant. Non, non, non, regarde. Viens voir le vide. Regarde, je l'arrête. Il est mauvais. Ouais, non, non, non. Mais franchement, je voulais gagner ma bière, moi. Et là, moi, je dis. Allez chercher une bière dans le frigo. Vous avez gagné quand même. Allez, il y a des invités qui viennent d'arriver. Salut Cazo. Regarde, on va le faire en live. Salut. Ça va, Cazo? Parle dans le micro. Allez, on le fait en live. Salut, salut. Salut la solide, ça va bien? Salut, ça va et vous? Ça va. Eh oh, bien. T'es Nabil, ça va? Baramin, tiens, Moussa, tu me passerais pas le sel? Voilà, ils viennent d'arriver. On va. Bah, où sont les couverts? On va se mettre petit à petit, je vais mettre un petit morceau. Allez, là, ça va être un blind test, mais on va écouter le morceau en entier et vous me direz à la fin si vous avez reconnu qui c'est. Alors là, si Moussa, il est pas là, j'y comprends plus rien. This is troubles, tend to be no cool. All the troubles, this is troubles, tend to be no cool. Cause if I am in this box today, it's exclusive for my right. ragamuffins for fries, no cola. All on this trial, you shunch on everyone. What was an attraction of judges and procurators for manipulated by the police or the ST tend to be no cola. Through manufacture, proofs and through police, police reports precious and witness, witness brainwashed that, that is no cool. Guilty as I am, guilty as I am, guilty as I am. No, I say I'm a camouflage, guilty to say, guilty to say, guilty to say. Guilty, I'm a camouflage. Black terrorist, 90s, black terrorist, 90s. Black terror, black terror, black terror, black terror, black terrorist, 90s. Grab the rights, grab, grab, grab, grab, grab the rights. This is your moves, tend to be no cool. And you, procurator, my innocence disturbs you. Cause you know that recognizing it is a melting. The peace of fool will be on the potent, potentially blameless. I am on the fighter side who is struggle to survive. The boy story, you ain't call it, tend to be no cool. No concession, neither from your part, neither from your but your police on mine. Guilty as I am, guilty as I am, guilty as I am. Yes, I am a camouflage, guilty to say, guilty to say, guilty to say. Guilty, I cannot repay. Black terrorist, 90s, black terrorist, 90s. Black terror, black terror, black terror, black terror, black terrorist, 90s. Grab the rich, grab the rich, grab the rich. Voilà, Black Terrorist. Alors, vous avez reconnu ou pas alors? Franchement, non. On s'est écouté un autre morceau tout à l'heure qui était plus dub. Alors, c'est un peu les précurseurs du dub sur Saint-Etienne. Dubbing? Non, précurseur bien avant les années 80. Oh. Si je vous montre ça. Ah, yeah. Ah oui. Babylon Fighters, voilà, parce que Babylon Fighters n'a pas fait que du reggae dub. Ils ont fait des trucs bien rock. C'était bien énervé à l'époque, d'ailleurs. Voilà. Alors, pour confirmer, l'ami Paco avait raison, c'était pas le dernier titre, les Switch Dance. Du coup, on va vous montrer ce que c'est, les Switch Dance. Ça dure pas longtemps, mais c'est bien énervé, il avait bien raison. Du coup, il a gagné deux bières. Deux bières. Voilà, Switch Dance. C'est vrai que ça accroche un peu plus que tout à l'heure. Allez, on va repartir. Le temps qui se met en place. Donc, Kazo est arrivé. Il va nous faire un petit live avec La Solide. Et puis, bah, nous, on va s'écouter un petit morceau en attendant. Je sais plus ce que j'ai calé, mais je l'ai calé. Ah oui, normal. C'est mon petit Pampi. Beaucoup la trouvent laide. Certains même la rejettent. C'est qu'ils donnent de l'importance au paraître. Ils n'osent même pas la regarder dans le blanc des yeux, par peur de tomber amoureux. Ils la trouvent vulgaire, raille sa dégaine de prolo, sa gouaille exaspère avec son accent à couper au couteau. Elle est heureuse et ça les ennuie qu'elle soit fière de son passé. Cette vieille dame n'est pas finie, elle est juste fatiguée. Saint-Étienne, ma ville, le sang qui coule dans mes veines est vert et blanc. Saint-Étienne, misère, chanson sonne comme la rengaine des mineurs de fond. Merci ma ville pour ma jeunesse, cette divine Madeleine de Proust. Et si jamais je te délaisse, je mériterai une bonne rouste. Le soir elle pleure quand se vident ses artères, mais ça palpite dans son cœur à chaque recoin de lumière. Elle est triste et se morfond, ses enfants s'en vont. Elle trouve le temps long depuis qu'elle ne crache plus de charbon. Pourtant ses formes généreuses pourraient accueillir en son sein, dans une ambiance chaleureuse encore pas molle de clampin. Elle n'use pas d'artifice, à l'instar de ses voisines. Ces marmots qui sont restés la console, elle est facile. Saint-Étienne, ma ville, le sang qui coule dans mes veines est vert et blanc. Saint-Étienne, misère, chanson sonne comme la rengaine des mineurs de feu. Saint-Étienne, ma ville, le sang qui coule dans mes veines est vert et blanc. Saint-Étienne, misère, chanson sonne comme la rengaine des mineurs de feu. Promis, je vais revenir, sentir ton parfum et rêver. C'est toujours les souvenirs qui nous permettent d'avancer. MC Pampi, voilà, tout en gaga, comme on dirait l'autre. Voilà, salut à toi Kazo, comment ça va ? Ça va, toi aussi ? Ouais, ça va, tranquille. Bon, toi aussi, t'as l'habitude de la radio, t'es déjà venu deux fois. On a fait quelques émissions ensemble. Allez, on laisse installer La Solide, Nabil. Qu'est-ce qu'ils disent ? Bah, ça va. Ouais, tranquille ou pépère ? Bon, ça va rapper ce soir ? Ouais. Allez, une petite présentation, même si les gens ils vous connaissent bien sur Saint-Etienne, parce que voilà, vous faites partie du bousin stéphanois, comme dirait l'autre. Et eh ben, nous c'est Barlimune Crew. Barlimune Crew, c'est un collectif de rappeurs qui organise des concerts à Saint-Etienne, souvent dans le but en fait d'aider des migrants ou des détenus, ou en faire ou parler en tout cas de ces situations-là en fait qui sont problématiques. Et donc Barlimune Crew, ça maintenant. Enfin, on a commencé il y a 3 ans, mais en fait, sous le nom de Barlimune Crew, c'est depuis 2 ans. C'est notre deuxième année. On a fait énormément de concerts. Ouais. Ouais, ça commence à en faire maintenant. Hein. Bah, vous êtes combien à peu près ? Un par mois, on va dire. Allez, tous les 2 mois, peut-être, si on calcule sur. En fait, il me semble qu'on a calculé un par mois à peu près. Ouais, donc ça va. Ouais. Un bon paquet. Après, le plus dur, c'est de trouver des salles. Voilà, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Les fameuses salles qui manquent à Saint-Etienne. La clé de voûte. À la clé de voûte, ouais, la clé de voûte, il n'y a plus rien, je crois. C'est mort, la clé de voûte, au fait, je sais même et pas. Eh ben, j'en entends plus parler de la clé de voûte, donc à mon avis. Parce que c'est une putain de salle, ça. Ouais. Ouais, bah ouais, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de concerts. Après, comme on en a parlé l'autre fois, voilà, les gens qui louaient, c'était un peu compliqué souvent. Donc il y a peut-être aussi ça qui a fait que voilà, cette salle était. C'était voilà. Un peu ghetto. Ouais. Ouais. Mais voilà, en tout cas, il y a la Solide aussi. Ça va la Solide? Ça va, merci. Tranquille, tu vas lui faire toujours. Un petit rap à l'ancienne comme t'aimes? Ouais, c'est bon, ça. Bon, plaisir. Mon petit Cazo, est-ce que tu veux qu'on enchaîne direct un petit rap ou tu veux que je mette. J'avais prévu de mettre la cinquième colonne. Le temps, si tu veux te poser, ou si tu n'importe, veux. Comme n'importe. Tu veux, moi, si tu me dis je te mets l'instru, c'est parti, mon kiki, on envoie du lourd. Hein. Et bah, tu peux mettre l'instru alors, si tu veux. Allez, bon, on s'écoute. On voit l'instru. Bon, vous êtes toujours branchés, 895 Radio Duo, le retour de la guinguette. Cazo en live, attention, ça va envoyer mes potos. Allez, c'est parti. C'est avec nos sacs, son petit mauvais ami qui pèse sur ma conscience. Inverse d'un vide immense, beaucoup trop de potes sourient, ça a une puce. Mais ça, je t'en parlerai pas, non. Au feu, moi, mes coheps, plus de kef en hesse. Avec trois rimes, je te fais quatre à au crime, baby so, la nouvelle génération. Pas tard au but crevard, aux zones dans son ruelle. Il paraît que j'emmerde Jacques Brel. On a vu la zone et ses ravages. Tu peux pas louper la coque, ses passages. Tout va bien tant qu'on a pas atterri. Commence le shit, atterri qui est péril. Tu vendras ta vie à reste. Rien pourra échanger, même pas une maison chère chez Chronos. On a trouvé Chaos, provocation de Thanos. Combat contre Hera, on lâchera pas dans Arena, passez le message à Hermès. Plan établi, délogé à test. Tu dois toucher à Anubis. Heureusement croisé aux Iris. Ce parti sont protégés par Nefis. J'ai refusé les bien-être de Sekhmet. Comme Walter a refusé de tout collamètre. Amener la vie comme à ton même mission que Akhenaton. J'ai trouvé mon nécromancien. Comme Boulon a trouvé mécanicien. Ouais, fallait que je vous choque. Ah, Kiri, je pose mes tripes sur la table. N'oublie pas que le cubon. Toujours pas aimable, nos pensées impalpables, pourtant on sera inarrêtable. Je crache Cadès avec nos actions dites mauvaises. Amis qui pèsent sur ma conscience inverse. La vie immense, beaucoup trop de boîtes souris à Anubis. Mais ça, je t'en parlerai pas, non. En bas de l'échelle, on veut monter, il faut que nous caillassons. Pour ça que beaucoup d'entre nous sont tombés au cimetière, à la rade ou dans les caves. Mais pour eux, je dois pas lâcher. Garder la tête au détonique. On a tous connu des parents absents. Ouais, qu'est-ce que t'as eu des rats? Cœur se permettant de faire les deux. J'ai pas la prétention d'être vieux. J'ai juste compris. C'est la même chose qu'on vit dans la zone où la décide. Dans les teufs ou les manifs, tous le même stress. Dans la Skoda Octavia. Car on sait qu'ils sont si stra, qu'ils ne nous aiment pas. Pour eux on reste des rats. Pendant que je dégorge, l'état dégorge. Explique-moi pourquoi je le comprends mieux que toi. Je pense que ton esprit est pudique. On va arrêter le crime. À part ça écoute, ouais. Je crache Cadès avec nos actions dites mauvaises. Un mec qui pèse sur ma conscience. Vers la vie d'immense. Beaucoup trop de potes souris à Anubis. Mais ça je t'en parlerai pas, non. Yep, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. 895 Radio Duo. Allez, Cazo, merci Cazo. À toi. Avec grand tranquille. Plaisir, merci à toi. Voilà, merci d'être venu, d'être venu à l'invitation. Merci à Chat pour l'instru aussi, surtout. Faut pas oublier l'instru, c'est ouais. Très important, c'est un gros travail. Et... Elle est lourde en plus. Ouais, bah ouais, heureusement c'est du lure. C'est du lure. Allez, on va. La Solide, t'es prête? T'es chaude? Là, je vais mettre la cinquième colonne ouais. Le temps qu'on se prépare et qu'on chauffe. Vas-y, hein. Allez. Ça me va. Allez, un petit cinquième colonne extrait des quatre albums vinyle pour la sortie de Furiana. Voilà, ça aura lieu le 25 de ce mois du côté du Méliès, le France. Il y aura des concerts gratos. Alors. Allez-y tôt, je crois que ça commence à 21h, mais à mon avis, ça va être blindé, et voilà, je crois que tout est gratuit, si je dis pas de bêtises, il y a plein de choses. En tout cas, on va y aller, on va s'écouter la cinquième colonne. on cherche à combler ses envies. Que le vide se remplisse, c'est cool visible comme la violence quand son pisse. Spliff, spleen, tease, surface plane dans le cœur. Manque d'estime, trop de cœur et l'intestine. Victime, papillon braqué par une lumière diffuse. Cherche le refuge, la nuit, la solitude se refuse. Qui pourrait croire qu'il s'y complète? Qui croit narguer la vie avant que le croque-mort arrive? Et nos tailles sont complets, couplets, strophes, rimes. Voué à cet élan, c'est tout ce que j'offre avant la délivrance. C'est putain ce que c'est long, le goudron, opium de mon peuple, mentalité de Morlock. Chacun sont concernés par son interne horloge. On se forge une épaisse carapace à chaque pète qui crépite. Je répète les mêmes trucs, y'a plus que ça qui t'excite. J'existe en dehors de mes récits, résiste et frôle l'hérésie. J'apprécie quand la résine crame, rend l'esprit moins précis. La noire sort comme refuge. Il y aura toujours du vent dans mes ratures. La noire sort comme refuge. Il y aura toujours du vent entre mes ratures, mes ratures. Je crame mes nuits sous ivresse, perché sur mon Everest. Les rêves restent et percent, les carapaces épaisses. Apaisé par la nuit qui me berce, poumons encombrés. Regarde le ciel tomber sur mes nuits sans ivresse. Sur mon Everest, les rêves restent et percent, les carapaces épaisses. Apaisé par la nuit qui me berce, poumons encombrés. Regarde le ciel tomber. Striptease de l'âme sur rythmique, solitaire devant une foule statique. Juste un gimmick de type triste, c'est factice. Douter de tout, même de l'amour, ça laisse un goût amer qui reste après un je t'aime sur un lit de mort. La mer se retire, te laisse seul sur la plage à reconstruire des rêves avec des ruines de châteaux de sable. La vie c'est quoi? Un bruit de faïence éclaté sur le sol. Fragment dévié, là où les mers apprennent à vivre seul. La vie me lasse, les films lac. Dans les cordes de mon corps, retranchant le fin lame. Le mélodrame largué, horrible l'âme. Dans le fond, je reste qu'un cran qui mise à l'écart, sa classe, ça me blase. Connaître le manque malgré une vie de rêve, ça glace. La grâce, je l'attends plus pour toutes mes conneries. Ce que j'ai fait ou j'ai dit, je veux qu'on comprenne comme j'ai de plus discrédit. J'ai dit ma vie sur la nocée ou disque pressé. Chacun son avis, mais ce que j'écris, seul moi peut le rabaisser. L'heure séduit sans ivresse, perché sur mon Everest. Les rêves restent et percent, les carapaces épaisses. Apaisé par la nuit qui me berce, paupières encombrées. Je regarde le ciel tomber sur mes nuits sans ivresse. Sur mon Everest, les rêves restent et percent, les carapaces épaisses. Apaisé par la nuit qui me berce, paupières encombrées. Je regarde le ciel tomber. Le froid du chrome sur la tempe, non je manque de trempe, mon vice c'est l'attente. La tristesse comme ma manque, les larmes de clown sont latentes. Les larmes de clou rendent croyantes, les masques, l'existence a déçu. Des déchus, le chancre, je n'ai su en accepter l'issue. J'ai su ce qu'on me réservait et ce à l'âge de 14 ans. Je suis scolaire observé, pensée morbide, caveau se creusant. Osant le compter, je pensais que tout ça disparaîtrait. Ce qu'une adopté, mon être s'étreint, mais connaît la détresse. Est-ce pour ça que je me détruis? Trop de chier, votre calme, malsain me fut instruit. La poignée de main à la vodka. En tout cas, faut que ça émane, que ça soit en explosant le man. Un pète une poste mal. Quand je me défonce, y'a pas d'yéman, y'a rien de cool à ça. La corde coulisse, c'est sur mon cou de la sang. Chaque asta un arsa pour les protagonistes blessants. Alcoolique naissant, le suicide monte en puissance. Mon être se nourrit de cendres. Voici ce que mon monde encense. Toutes ces soirées à faire le monde, les larmes dans les yeux. Toutes ces soirées à faire le monde, les larmes dans les yeux. Je crache ces nuits sans ivresse, perché sur mon Everest. Les rêves restent et percent, les carapaces épaisses. Apaisé par la nuit qui me berce, la gorge encombrée. Je regarde le ciel tomber sur ces nuits sans ivresse. Sur mon Everest, les rêves restent et percent, les carapaces épaisses. Apaisé par la nuit qui me berce, gorge encombrée. Je regarde le ciel tomber. Je regarde le ciel tomber. Je regarde le ciel tomber. Nuit sans ivresse. Et pas cinquième colonne. Voilà pour la cinquième colonne, extrait de la compile Furiana 4 vinyles. Voilà, et en plus apparemment ça va pas être cher parce que ça a été financé par je sais plus qui, Paco m'a dit. Donc vous pourrez donner ce que vous voulez apparemment et ça fait plaisir. 4 bons vinyles, en tout cas là on s'écoutait la cinquième colonne. On a aussi la Dubbing, MC Pampy, Red Bang. Et puis pour les plus anciens, Babylon Fighter, Ish Libido, qu'est-ce qu'on peut dire, Blank SS, allez, qui c'est qui connaît pas, Catman, putain ça fait longtemps, Brenda May, Jessica Crew, qui c'est qu'il y a d'autres, Boxing Elena, voilà, un peu tous les gens qui sont passés beaucoup du côté du Mistral et puis tous ces lieux qu'on expliquait tout à l'heure. Allez, maintenant on va repartir au live. La solide est-elle prête? Ouais, carrément. Chaud bruyant. Chaud. T'es prêt à défier Kazo? Ouais, c'est une inédite au cas où, c'est la première fois que je l'ai fait celle-là. Donc ah, on adore l'inédit. Alors, t'es au combien? T'es au numéro 4, je crois, toi, hein, le micro, que je dise pas de bêtises. Ouais, c'est ça. C'est ça. Allez, je t'envoie le son. C'est parti, le bousin. La solide baramine. Et y'a si t'as plus rien à perdre, peut-être que des bonnes raisons. Si t'as pas le niveau, si tu veux, je t'invite à mes révisions. Couteau dans le dos, j'ai l'habitude dès qu'il s'agit de rançon. Rien que par les mots, j'élève l'altitude avec un beat en fond. Plume délicate, une bête de forme, une bête de fond. Femme enragée qui préfère les vrais méchants aux faux jetons. Je me bats avec les âmes à ma disposition. Vu qu'avec la force que tu respectes, je vais te changer de position. C'est pas que tu rancunière, j'aime juste pas la soumission. Je vais te faire revoir ta vocation. Garçon a pris de mauvaises habitudes à l'image des politiques, il a fait le coup de la fugue. C'est que le début de sa chute et celle de ses darons qui se demandent quels sont ses buts. Impression de sauter dans le vide sans ouvrir le parachute. Mal fait la chute par la fenêtre, y'a du grabuge, de l'action, de l'agitation. Cette déluge, ça finit souvent en pinçant ou devant la juge. Si tu t'en mêles, c'est les balles qui fusent. La vie est belle, mais c'est bien des fusils dont ils usent. Des histoires pognon ou de ruse. On se bat entre collègues d'usine. On rêve tous de la baraque, de la piscine. La justice a l'air d'avoir des si précises. Son complotisme, manque de priorité compromise. C'est des clowns qu'on a déguisés, qu'on a armés sans prévoir qu'on tire quand on vise. Pédagogie absente n'est plus requise. C'est le canon qui nous trappera la bise. Quant à toi, grand ou gamin, la concurrence n'est pas dans ton patelin. Elle est pas dans le quartier d'en face, ni chez ton voisin. Elle réside dans ton RIB. On vote pour des théoriciens qui font semblant de se détester. Mater des bas, c'est de la télé-réalité. Pour mater le public à coup de TVA sans trop forcer. Hein? Moi je suis condamné. Yepa. Bah merci. Ouais, le son des moments ça coupe d'un coup, ça arrive. Bon, en tout cas, voilà, plaisir. C'est pas grave, c'est que j'ai fait des textes méga longs aussi. Ça arrive, mais l'essentiel c'est d'envoyer du son et d'envoyer du lourd à la radio. Bah merci à vous, tranquille. Vous voulez parler un petit peu des prochains de Baramine Crew? Il y a des trucs de prévu ou pas? Et ben, dans l'immédiat, on est en train d'essayer d'organiser un concert pour le mois de décembre. Donc s'il y a une salle qui veut bien en fait nous louer ou nous prêter ou on s'arrange, et ça ce serait plutôt bien. Ouais. Et sinon, bah, y a toujours des projets en fait d'albums avec Kazo, mais il y a eu des petits retards. Et sinon, bah, non, dans les prochains événements, non. On pense quand même à tous ceux qu'on a fait jouer, parce que sans eux, en fait, Baramine Crew, ça n'existe pas. Et donc, je vais penser quand même ici à Blodia, parce que souvent, en fait, il répond présent. Il y a Zach aussi, en fait, à qui je pense. Ouais. Et d'autres, en fait, que j'oublie là tout de suite, mais en tout cas, à qui on pense beaucoup. Parce qu'ils nous permettent de nous faire tourner et de varier, ouais, en fait. ORZ, pareil, je pense au ORZ. Ouais. Et il va y en avoir plein d'autres aussi. Et plein d'autres. Qui devraient arriver dans les prochains. Qui devraient arriver dans les prochains, là. Ouais, on va changer un peu. Ça va changer de tracklist un peu. Ouais. D'accord. Bon, bah, plaisir. Bah, en tout cas, merci à vous d'être passé, parce que là, il nous reste une petite vingtaine de minutes. À moins que vous êtes chaud tout à l'heure, peut-être en faire un dernier. Je sais pas, les gens, ils picolent plus. On va mettre une musique, parce que je vais pas leur dire, allez, comme à l'école, tous derrière les micros. Donc on va s'écouter un autre petit morceau, toujours extrait de la compile de Furiana. Allez, c'est pas le groupe que je préfère, c'est pas le punk que j'aime, c'est du reggae, mais c'est pas mal. Russian style. Again, again and again. Ooh, nine, nine, nine. Mr. President, nous n'oublierons jamais ni le bruit ni l'odeur. Right? Original reggae music pour les blacks, les blancs, les beurs. Tu me parles d'une France qui vit sur sa diversité. Pas les mêmes chances, la même vie ni la même réalité. Mais moi j'emmerde leur système, gêné par les bronzés. Même s'ils imposent leurs lois, je choisirai ma destinée. Tu me parles d'une France qui vit sur sa diversité. Pas les mêmes chances, la même vie ni la même réalité. Mais moi j'emmerde leur système, gêné par les bronzés. Même s'ils imposent leurs lois, je choisirai ma destinée. Et tu parles d'intégration. Mais la blessure est profonde depuis la décolonisation. Et la liste est longue, il ne court pas après le ballon. Donc je repose des questions qu'à chaque fois on tourne. Moi, dis-moi pourquoi ce sont les mêmes refus d'Afrique à Mal qui meurent du sida. Que tu ne les aimes même pas et que celles d'elle tu ne les fasses pas. Ici ou là-bas pour les bronzés c'est le même constat. Tu voudrais contrôler tous nos états. But anyway, everyone's got our diversity. The life you are one, the place where you come from. The Kenya, Algeria, of Ghana, Liberia. Tu me parles d'une France qui vit sur sa diversité. Pas les mêmes choses, la même vie ni la même réalité. Mais moi j'emmerde leur système, gêné par les bronzés. Même s'ils imposent leur loi, je choisirai ma destinée. Tu me parles d'une France qui vit sur sa diversité. Pas les mêmes choses, la même vie ni la même réalité. Mais moi j'emmerde leur système, gêné par les bronzés. Même s'ils imposent leur loi, je choisirai ma destinée. Astilken. سلكنا مالا مقردس كزاو لا مالا مقردة ملال لا شويخ السن عدال مالا مقردة برشال Intégration, assimilation, tu veux qu'on devienne fou. Comme des schizophrènes pour une culture qui n'est pas à nous. Et je vois ton système qui continue de donner des coups. Et il faudra rester debout. Mais Rastaman fait boum. Comme une caméra sur l'histoire mal, je fais zoom. Et je vois que les événements chaque fois tu les détournes. Car tu crées tes lois pour mieux les contourner. Les contourner sans les signes. Ask for equality. Two times government just keep on going. Three times friends doesn't see its reality. We said four times, four times, four times. Tu me parles d'une France qui vit sur sa diversité. Pas les mêmes choses, la même vie ni la même réalité. Mais moi j'emmerde leur système, gêné par les bronzés. Même s'ils imposent leur loi, je choisirai ma destinée. Tu me parles d'une France qui vit sur sa diversité. Pas les mêmes choses, la même vie ni la même réalité. Mais moi j'emmerde leur système, gêné par les bronzés. Même s'ils imposent leur loi, je choisirai ma destinée. روح زمرتي مالي No Breda, ce n'est pas une fatalité, même s'ils disent que c'est comme ça, c'est comme ça, on ne peut rien y changer. Différences de culture ne feront jamais l'unité. Mais depuis trop longtemps, ce discours a trop duré. Et c'est pour nos parents, mal que je reviens chanter. Ils disent c'est comme ça, on ne peut rien y changer. Génération grillée, génération sacrifiée. Mais depuis des décennies, cela n'a pas bougé. Ce n'est pas dans le silence qu'on retrouvera notre fierté. Car dans chaque homme, le cœur est le même. Mais parfois, il y a mal tonne. Certains feraient tout rentrer dans leur pandémonium. Et pour cela, ils tueraient même des hommes. C'est comme en Afrique, ils nous ont volé tous nos trônes. N'étonne pas que la violence augmente au maximum. Entends les cris, les pleurs, plus besoin de son automne. Car pour les pauvres, ils feront le minimum. C'est encore leur voix qui résonne. Tu me parles d'une France qui vit sur sa diversité. Pas les mêmes choses, la même vie ni la même réalité. Mais moi j'emmerde leur système, gêné par des bronzés. Même s'ils imposent leur loi, je choisirai ma destinée. Tu me parles d'une France qui vit sur sa diversité. Pas les mêmes choses, la même vie ni la même réalité. Mais moi j'emmerde leur système, gêné par des bronzés. Même s'ils imposent leur loi, je choisirai ma destinée. I wanna roll my destiny. Oh, nine, nine, nine. Again, again and again. J'ai choisi de vivre ma propre destinée. Oh, nine, nine, nine. You seen her write them. Super Empire, je te raconte pas que c'est. Une journée de fou passée à Saint-Étienne, mon blé. Je vais te la compter, en tout cas je représente tout. Les fils de mineurs, les crassiers pour le main gauche. Un Français sur trois déteste ma musique de singe. J'ai préféré que je bosse au pressing à plier du linge. Autant dire qu'ils seront pas faillas sur ce morceau. Mes sources au fraises, ipso, c'est le mime Marceau. Un Français sur dix actif est au chômage. Donc pour ceux qui bossent, un gros feignant de plus qui gave. C'est pas facile pourtant d'être en coloc avec Polo qui s'emploie à tirer depuis que t'as plus de boulot. Un Français sur sept fait face au surendettement. Galère 5 du mois, adieu les nouveaux vêtements. Bêtement, interdit Banque de France, un Pékin sur 10. Contracte un CTLM pour rembourser ton profilis. T'as pas de profil Facebook, putain mais t'es has-been. Rejoins donc la communauté comme un Français sur 4 pour partager tes photos de vacances prises à Tataouine et liker tous les posts de notre petite chauffe et pose à 4 bandes son. Peur de la lézonde, pareil pour l'affrontement envers tous les crocs de ce monde. Onde sonde, peur de la les nombres et les statistiques. Artistique est la réponse aux mesures drastiques. Onde sonde, peur de la lézonde, pareil pour l'affrontement envers tous les crocs de ce monde. Onde sonde, peur de la les nombres et les statistiques. Un Français sur 4 n'a pas de télé, honte à lui. Ne mate pas les infos sur BFM ou LCI. Ça doit être bizarre de pas être manipulé par les chaînes gardes du CAC 40, du MEDEF et de l'Elysée. Un Français sur 2 n'a plus confiance envers les puissants. D'affaires en échec cuisant, putain le climat épuisant. T'es pris entre deux feux, d'un côté l'autodafé. De l'autre une révolution, la tech qui te fera pas mieux bouffer. Pessimiste comme 75% des Français. On est nombreux à être restés assis pendant que les autres dansaient. Accro aux spins, inquiet parce que peureux. On préfère mettre notre espoir dans la française des jeux. Un Français sur 4 est d'accord avec Marine, il voit partout des barbus, des os dans les narines. C'est navrant, il me fout la tronche comme une calebasse. Gilbert Collard et l'autre connasse. Onde sonde, par-delà les ondes, pareil pour l'affrontement envers tous les crocs de ce monde. Onde sonde, par-delà les nombres et les statistiques. Artistique est la réponse aux mesures drastiques. Onde sonde, par-delà les ondes, pareil pour l'affrontement envers tous les crocs de ce monde. Onde sonde, par-delà les nombres et les statistiques. Un Français sur 4 est accro à ses petits médacs. Kédac, prescris-moi du Lexo, moi j'en suis croque. Faut croire qu'on est plus dépressif au pays du fromage. Dommage car dorénavant chimique est ta cage. Le cœur à gauche c'est le cas de 100% des Français. Pourtant c'est à droite qu'il semble trouver sa place. Et si tu croyais encore que les socialistes existaient, demande à Valls qu'ils viennent t'expliquer où est sa place. Un Français sur 8 vit dans un appart pourri. Oublie les suites, chez Watt c'est un cloaque souris. La vie est belle, ton proprio peut se marrer. En loin une brique, un taux 25 mètres carrés. Ton sondage Ipsos, tu peux te le mettre sur l'oreille. Les trois quarts correspondent à des commandes d'appareils politiques qui s'arrangent pour manipuler l'opinion. Tu peux reprendre tes pourcentages et te les carrer dans le fion. Onde sonde, pareil pour l'affrontement. Onde sonde, par-delà les nombres et les statistiques. Onde sonde, par-delà les ondes, pareil pour l'affrontement envers tous les crocs de ce monde. Par-delà les nombres et les statistiques. Onde sonde. MC Pampi, Red Bang, un duo de choc. Extrait de la compile Furiana, 4 vinyles, Radio Dio. Allez, on est de retour dans les studios de Radio Dio, il nous reste une petite dizaine de minutes, et puis comme on aime les dernières minutes, on va dire le petit quart d'heure stéphanois, même qui dure 10 minutes. Allez, vous êtes partis pour nous faire un freestyle. Yes. Alors, il y a qui dans le freestyle? La Glissade, Kazo et La Solide. Allez, mon petit Kiki. 1, 2, 1, 2, 3, 4, let's go. Let's go. Yo, yo. Yo. La glissade, ça démarre comme ça. Encore de la merde à écrire, retranscrire le pire. C'est quelques lettres, être en phase avec tout être vivant. Dans ce monde incohérent, errant, étant sans argent, explique les agents pendant tout ce temps, tout le temps. Tout en gardant la tête haute et les dents à serrer nos proches dans les bras, les poches vides. Tout en gardant la tête haute et éviter la déprime. Avancer coude que coude, au coude à coude, souvent à coude au bar. Yo, souvent à bar. Je refuse de m'exprimer, 2023 pour du sexe et blâmer. Squash monte parfois et le rap est diversifié. Je ne sais pas où commencer pour être parlé de toutes ces larmes tombées, inciter tous les côtés à consommer. À quel moment on se fait du blé? Jamais bien sûr on demande la paix. Ils nous ont donné la graine. Graine de la haine, accumule la haine envers ses chiennes. Ne nous fais pas part de la tienne, un conseil tu vas le regretter. Le peuple a décidé de tout faire flamber, tout a craqué. Ça ne va pas s'améliorer, non, le système a plombé. Mais moi j'ai pas de plan B, ne sais plus quoi raconter. Pas de chanson, t'es abattu, mais qu'en penser? Yo, yo, yo. Écoute, plus de résonne en moi, comme une kamikaze anesthésiée. Je pars pour ramasser ces débris de moi qui viennent d'exploser. C'est pour cacher ma peine, cacher ma haine, péter les plombs, hashtag Mérine, bye Vincent Cassel. Le quart de ce qu'elle est là, égare au mat échec. Car si ta langue c'est le dollar, la mienne c'est celle qu'on respecte. Je la sors pas dès que tu me parles de chèque. La michetonnerie, ouais ça me débecque. Le bonheur, désolé, gros j'ai pas la recette. Remise en question entre deux fêtes. Je suis pas un exemple, je m'exerce. Affirme ma partie sombre, ma défaite. C'est pas simple de se glisser dans un monde aussi sec. Donc on se tape, on se débat, on twerk. On souhaite tous quelques billets sous la couette. On s'éclate, on souhaite. On s'ambiance jusqu'au moment où tout s'arrête. Jusqu'au moment où tout s'arrête. Yo, yo, yo, top, top, top, salut, top. Faut que j'écris des rimes dégueulasses pour pouvoir me regarder dans une glace. Même sous wash, critical, j'écris mon sens critical. Laval, j'huite la clinique, psychiatrique après, trop de psychotropes. J'allume clope sur clope, j'développe le hip-hop. Quand tu m'écoutes, tu cries pull up. Plein d'hommes, tu dis, c'est pas de la dope. Sont certifiés, approuvés par tous les refrains. À haute fréquence, j'balance en cadence pour que tu rentres en transe. Et que tu danses sur mes phrases qui font baser. C'est vrai, j'parle souvent du système qui sème la haine et engraine les gens à asken, mais reste zen. Même si je t'époule comme King Kong sur le ring au mic, retentit le gong. C'est bon, je retranscris ma vie sur feuille blanche avant que je finisse entre quatre planches. Can't stop, won't stop, instoppable. Dans mon crouillac, t'es capable de tout essayer. Si se permettre de ne pas y arriver, si se permettre de ne pas y arriver, de ne pas y arriver. Essayer, si se permettre de ne pas y arriver, de ne pas y arriver, de ne pas y arriver. Essayer, c'est se permettre de ne pas y arriver, de ne pas y arriver, de ne pas y arriver. Essayer, c'est se permettre de ne pas y arriver, de ne pas y arriver, de ne pas y arriver. Essayer, c'est se permettre de ne pas y arriver, pas y arriver, pas y arriver. Le 8-9-5 de Radio Dio, y'a du yo. Envoie du lourd, ça envoie du lourd. Allez, c'est parti, Kiki. Esprit Rougeur. À fond le canon, ouais. Allez, bah merci à vous. Merci, merci à toi. Bah, moi j'ai eu du mal à me caler au début, on va dire. Mais ouais, mais c'est ça le live. C'est le live. Le live. C'est le live, mon gars. Live de la cheminée, comme dirait l'autre. Allez, il nous reste 5-6 minutes. Je vais mettre un petit son et puis voilà, Moussa, mettez-vous tous derrière. On va dire un petit au revoir et puis je vais vous poser des petites questions de merde avant de finir le truc. Allez, je vais mettre un traditionnel stéphanois. Des années 80 que j'aime beaucoup. On voit le bouse. Ça fait plaisir. C'est ça le live. Pour ceux qui n'ont pas reconnu, Kalachnikov, Babylon Fighters, années 80, Kobe. toute la clique. Ils ont envoyé du lourd eux aussi. Je rappelle les compiles 1980-2020. Non, en 2023, on est un peu plus loin. On a de l'avance. On est bien. Allez, un petit tour de table. Merci à tout le monde déjà d'être passé. Voilà pour cette semaine stéphanoise qui dure jusqu'à la fin de la semaine et puis jusqu'au 25 après du côté du Méliès. Allez, un petit tour. Richard, merci d'être passé. Tranquille. Bah de rien. Au plaisir. Vu que j'ai largement participé, c'était un plaisir. Merci voilà, vous savez que Richard, il a un magasin Stéréo Broc, un passat de Catherine, il répare des platines, il vend des vieux matos. Peut. Il répare ce qu'il peut. C'est pas comme ça. Puis... Non. C'est pas comme ça. Il répare ce qu'il peut. Alors, voilà. Je précise quand même pour les auditeurs de Duo, hein, parce qu'on est quand même sur une radio 9.5, c'est ça, Moussa? Ah bon, c'est tout à fait. Radio libre. Oui, effectivement, j'ai un atelier, je répare des vieux objets. Je fais ça par passion. Grossièrement, ça fait 30 piges que je fais ça. Sinon, j'aurais pu te parler de mon livre d'or. Ça aurait pu intéresser les auditeurs, tu vois, parce qu'effectivement, j'ai une petite boutique, un petit boui, c'est un atelier, je répare des vieux objets, je propose des vieux objets, c'est de la restauration, du recyclage, du réemploi. Tu vois, je suis dans ce move-là depuis des années. Bah, et en fait, j'ai aussi un livre d'or parce que le fait d'avoir un petit bouclard comme ça, tu vois, dans cette ville, ça permet de recevoir aussi des gens qui viennent de l'extérieur, et qui viennent notamment jouer ou qui sont dans la musique aussi, qui viennent me voir. Donc peut-être un jour. Mais eh bah, plaisir. Moi, je ne suis pas du genre à parler de ceux qui. Tu mais vois, on peut t'inviter dans une autre émission. Ouais. Ah, bah, c'est toutes les semaines, la guinguette. Mais je m'inviterai avec plaisir. Allez, merci à Nabil. Merci pour Baramine Crew et tout le reste. Bah, merci à toi. Merci Rémi. Tranquille. Merci beaucoup. Merci Jean-Luc, au plaisir, tranquille, les petites anecdotes, voilà. Et puis merci à Moussa aussi pour, voilà, t'as une petite dernière anecdote. Le mousse. Un truc bien crade. Eh, y a pas de quoi. Vas-y, tu veux pas nous, une petite dernière petite bien blague. Crade. Une blague. Une dernière quoi, une dernière ce que quoi. Tu veux, soit une blague, soit une connerie. Blague. Donc t'as pas bien le choix. Fais-nous une blague, Moussa. Vous savez quel temps il fait à Tel Aviv? Oh putain. Ouais. Non. Mossad. Ah voilà, on y est. Et c'est quoi, allez, vas-y, si on va aller plus lourd. Non, c'est bon, c'est validé. C'est quoi un juif dans la forêt? Je sais pas. Un rabbin des bois. Ah ouais, pas mal. Allez, on se la finit là-dessus, nous c'est pisse. Quel temps il fait à Quimper? Non, c'est Quimper. Ah putain, on y est. C'est le Moussa du coup. Allez, je l'avais dit, on se la finit tranquille. Nous, on se dit à la semaine prochaine de 18 à 19 comme d'hab. On va se la finir avec un petit vinyle que j'aime tout particulièrement. Ils doivent être du côté de l'entrepôt. Salut à Luc et toute la clique. On se la finit avec Shoot the Dog. Merci à tout le monde. Ciao, babouille.